Dossier 9. Leçon 3. Règlement. Activité 7. 1. Excusez-moi, messieurs. Je vous rappelle que vous êtes dans une bibliothèque ici. On ne doit pas déranger les lecteurs. Si vous voulez continuer votre conversation, il faut aller dehors. Deux. Mademoiselle, regardez, vous avez renversé du café sur la table. Vous ne savez pas qu'il est interdit d'apporter des boissons ici? Trois. Alors, date limite, le 2 avril? Mais ça fait presque un mois de retard! Lis le panneau. Prière de rapporter les ouvrages à la date indiquée sur la couverture. La prochaine fois, on ne te prêtera plus de livres. 4. Bien, donc tu prends le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas et cette BD du chat. Fais attention, n'écris plus sur les livres, sinon tu devras les remplacer.